Scène 6. Lannoy, Julie, Amandine Landerneau. Ah, Biniche. Bonjour, madame. Ne vous dérangez pas. Ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Julie s'est assise sur la chaise du bureau. Lannoy a pris la chaise que vient de quitter Julie. On ne le croirait pas, mademoiselle, par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Amandine, qui a fouillé dans son panier. Oh, mon Dieu! Quoi? Rien! Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. Oh Dieu! L'imprudent, il m'écrit. J'avais bien vu qu'il me regardait. Depuis que je vous ai frôlé, où ça m'a-t-il frôlé? Dieu, ce doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Il faisait tellement noir que je n'ai pu le voir, mais j'ai entendu sa voix, car il s'est écrié « Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne !» Oh oui, celui-là, il m'a frôlé. Eh bien encore, pauvre jeune homme, serais-je impitoyable? Faudra voir. Elle remonte vers le fond. Madame ? Ne vous dérangez pas, mes enfants. Elle sort.